Section 29, chapitre 29. Les réponses du docteur Kerfons n'avaient pas satisfait Charlotte. S'il lui avait dit d'une façon positive que monsieur de la Hérodière était en danger imminent, elle se serait coûte que coûte décidée à accepter Narbonton pour mari. Si au contraire, il lui avait assuré qu'aucun danger n'existait pour le moment, ni pour plus tard, elle eût pu sans remords s'enfermer dans le silence. Elle aurait réfléchi. Mais les paroles du médecin se tenaient à égale distance de ces deux extrêmes. Le danger, il ne l'affirmait pas, mais en réalité, il ne le niait pas non plus. Pour l'heure présente, ce danger ne paraissait pas menaçant. Mais pour le lendemain, on devait attendre. On verrait ce qui arriverait. De ces paroles, il ne résultait donc qu'un seul fait précis sur lequel elle pouvait baser sa résolution. Et ce fait, c'était qu'une grande joie pouvait être favorable au malade, tandis qu'un grand chagrin pouvait le tuer. Elle devait donc faire tout au monde pour lui épargner ce chagrin. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il ne lui était permis d'expliquer franchement à son père qu'elle repoussait Narbonton. Tout ce qu'elle pouvait accorder à son amour, c'était de ne pas répondre immédiatement à la question qui lui avait été posée et d'attendre encore un peu. Peut-être pendant cette attente, trouverait-elle quelques moyens pour tout concilier, d'un côté le désir de son père, de l'autre sa propre résistance. Avec une attention de tous les instants, et en interrogeant chaque matin le docteur, il n'y avait pas à craindre de se laisser surprendre. En tout cas, si elle voyait le danger s'accroître ou l'irritation de son père s'exaspérer, elle se résignerait à ce mariage. Elle se serait défendue tant que la lutte aurait été possible. Elle attendit donc, et de nouveau, elle vit dans les yeux de son père cette curiosité anxieuse par laquelle il accueillait lorsqu'elle s'approchait de lui. De nouveau aussi, elle entendit demander « Tu n'as rien à me dire ?» Les heures, les journées s'écoulèrent, et ce moyen miraculeux qu'elle avait espéré, sans bien savoir d'où il lui viendrait, ne se présenta pas. La seule chose qu'elle trouva fut de traiter avec Narbonton cette question de mariage. Assurément, cela était délicat et difficile, mais elle n'avait pas la liberté du choix, et il fallait bien qu'elle prît la seule ressource qui lui resta. Narbonton avait demandé sa main parce qu'il croyait sans doute qu'il était ou qu'il pourrait être aimé d'elle. Si elle lui faisait comprendre que cet amour était impossible, il ne persisterait pas dans son projet. C'était un homme de cœur qui voyait dans le mariage autre chose que l'association de deux positions ou de deux fortunes. Si de lui-même il renonçait à ce projet, elle ne serait pas responsable de ce refus. Pas de mari, pas de mariage. Il fallait donc qu'elle l'amenât à cette renonciation, et pour cela, un entretien en tête-à-tête était nécessaire. Les occasions qu'ils avaient de se voir seuls étaient rares, car Narbonton, malgré les instances de M. de la Hérodière, n'avait pas voulu s'établir à la crique. Il arrivait chaque jour, un peu avant la fin du jour, et il repartait le lendemain matin, après la visite du médecin, pour retourner à Sarzeau. Quand il entrait dans la chambre du malade, Charlotte en sortait, et quand il en sortait, Charlotte y entrait à son tour. Il était évident pour elle qu'il agissait ainsi par discrétion, et qu'il ne voulait pas tirer parti du service qu'il rendait. Décidée à cet entretien, elle résolut donc d'aller un soir au devant de Narbonton et de s'expliquer avec lui en toute liberté. Comme il était exact dans son arrivée, elle savait qu'elle n'aurait pas à l'attendre, et elle espéra qu'en quelques minutes, la question serait tranchée. Lorsqu'il la vit venir au-devant de lui, dans le chemin de Sarzeau, à 10 minutes de distance de la crique, il laissa paraître son inquiétude dans un geste de surprise. « Il ne se passe rien de grave, » dit-elle vivement. « Si mon père était plus mal, je ne serais pas ici. »« C'est juste, » dit-il, « et je vous demande pardon de l'étonnement que j'ai manifesté en vous apercevant. Esprit préoccupé par cette maladie, je me suis laissé emporter par une crainte instinctive, sans réflexion et sans raison. Comment se trouve monsieur de la Hérodière ?»« Dans le même état que ce matin. Mais ce n'est pas de lui que je veux vous parler, c'est... » Elle hésita un moment. « C'est de moi, » dit-elle bientôt avec résolution. « C'est de nous. » Narbonton s'inclina sans répondre. Ils restèrent un moment en face l'un de l'autre, silencieux. S'il s'était trouvé là un témoin, il aurait pu remarquer qu'ils étaient également pâles, tous deux, et tous deux également émus. Mais le chemin était désert, et personne ne pouvait ni les écouter, ni les déranger. Le soleil avait disparu dans la mer depuis plusieurs minutes, et déjà les ombres du soir se répandaient sur la campagne. La lueur jaune qui emplissait le couchant jusqu'à l'horizon voûté glissait sur la mer clapoteuse, mais en arrivant à la côte, elle n'était plus assez vive pour éclairer les arbres et les buissons qui se mêlaient dans une confusion sombre. « Mon père, commença enfin Charlotte, m'a parlé d'un projet que vous aviez formé. » Narbonton ne répondit pas malgré la pause que fit Charlotte. « D'un projet de mariage, continua-t-elle, il m'a demandé d'y donner mon consentement. » « Et ce consentement, dit Narbonton, après un moment de silence, « les conditions sont telles, reprit Charlotte, que je ne peux pas causer à mon père le chagrin d'un refus, car dans l'état où il est, ce chagrin pourrait le tuer. Aussi je viens faire appel à votre loyauté, à votre pitié, pour que vous m'aidiez à sortir de cette position affreuse en épargnant mon père, en m'épargnant moi-même. « Et en me sacrifiant seul, interrompit Narbonton. « Ah, monsieur, je vous jure que si je pouvais rendre la vie à monsieur de la Hérodière et à vous, mademoiselle, le repos, je n'hésiterais pas. Croyez que je ne suis ni aveugle ni insensible. Je vois ce qui se passe, je vois les angoisses de monsieur votre père, je vois vos tortures, et c'est de tout cœur que je voudrais vous venir en aide. Mais que puis-je ? » Charlotte eut un geste qui disait clairement sa pensée. « Je vous comprends, poursuivit Narbonton. Que je me retire, n'est-ce pas ? Si le mari disparaît, le mariage s'en va avec lui, et alors vous pouvez épargner à monsieur votre père le coup que vous n'osez lui porter par votre refus. » Elle fut stupéfaite de cette clairvoyance dans Narbonton. À quelques mots près, c'étaient ses propres paroles. « Et vous pensez, dit-il, que j'ai attendu que vous me fassiez cette demande ? Non, mademoiselle, et je vous assure que pendant les tristes jours que nous venons de traverser, je serais allé au-devant de vous, et je vous aurais moi-même adressé cette proposition, si l'exécution avait été possible. Si grande qu'eût été ma souffrance dans le présent et dans l'avenir, je n'aurais pas hésité, ayant d'un côté votre repos et la santé de monsieur votre père, de l'autre mon bonheur. Mais je vous le répète, ce sacrifice n'était pas possible. Non pas qu'il fût au-dessus de mes forces, on peut beaucoup quand on aime et quand on veut, mais parce que je suis engagé envers monsieur votre père, et ne puis pas me retirer. Il me semble... Permettez-moi de vous interrompre pour vous dire que vous ne savez pas toute la vérité, que dès lors que vous ne pouvez pas apprécier avec justesse la situation qui nous est faite. Cette situation, la voici. Quand j'ai parlé à monsieur votre père de... Il faut bien que je dise le mot. Quand je lui ai parlé de mon amour pour vous et de mon désir de devenir votre mari, il me répondit qu'il voulait bien m'accepter pour gendre. Ces paroles même furent plus précises, et comme en ce moment la vérité doit passer avant tout, je crois devoir vous les répéter. Il me dit donc que s'il avait choisi son gendre, c'eût été moi qui l'eût pris entre tous. Ceci, n'est-ce pas, me crée, en dehors du respect et de l'amitié que j'éprouve pour monsieur de la Hérodière, des obligations sérieuses envers lui. Il n'est pas pour moi le premier venu, je lui dois une profonde reconnaissance. Que vous lui prouvez ? Mais sa réponse ne se renferme pas dans ces seules paroles, et c'est pour ce qui me reste à dire, mademoiselle, que je réclame toute votre indulgence, vous priant de vous rappeler que cet entretien n'a pas été provoqué par moi, mais qu'il l'a été par vous. Monsieur de la Hérodière, m'ayant dit qu'il voulait bien m'accepter pour gendre, ajouta que mon mariage, malgré ce consentement, rencontrerait des difficultés. Heureusement pour Charlotte, la nuit était tombée tout à fait, car en entendant ces mots, qui n'étaient que trop précis pour elle, malgré le soin que Narbonton apportait à les maintenir dans un certain vague, elle avait senti le rouge de la honte lui monter au visage. « Monsieur de la Hérodière crut devoir m'apprendre, continua Narbonton, une chose que je savais déjà, d'autre part d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il avait existé un projet de mariage pour vous, qui venait de se rompre de telle sorte que dans ces conditions, nous devions nous attendre, lui et moi, à rencontrer chez vous une répulsion bien naturelle, j'en conviens, à accepter favorablement une nouvelle demande. Il me pria donc de ne pas me décourager et au contraire de devenir son allié pour calmer le trouble que cette rupture avait dû vous causer. J'acceptai. » Emmanuel, en parlant, ne levait pas les yeux sur Charlotte, qui marchait près de lui. À ce mot, cependant, il lui vit faire un mouvement. « Je comprends, dit-il, que vous soyez surprise de me voir accepter cette alliance, alors que je ne connaissais pas vos sentiments à mon égard, et que je ne vous avais jamais entretenu de mon amour. Ne croyez pas, cependant, que je sois un de ces superbes vainqueurs, se figurant qu'ils n'ont qu'à se montrer et à dire un mot pour être aimés. Tel n'est point mon caractère. J'ai espéré qu'en vivant près de vous, dans une intimité que monsieur votre père autorisait, je pourrais, à la longue, me faire connaître de vous, et en même temps vous entretenir de mon amour. Par l'accueil que vous m'avez fait jusqu'à ce moment, j'étais en droit de penser, permettez-moi de le dire, que je ne vous inspirais ni répulsion ni antipathie. J'ai cru que je pourrais changer l'amitié que vous me témoignez en un sentiment plus tendre. J'ai cru qu'en voyant ma tendresse et mon amour, vous vous laisseriez émouvoir par cette profonde passion, et peut-être même gagner. Il me semblait que l'amour était un foyer qui pénétrait de sa flamme et de sa chaleur ceux qui l'approchaient. Je comptais sur le temps. Par malheur, cette maladie de M. de la Hérodière est venue tout précipiter, et vous placer sous le coup d'une demande qui, se présentant dans ces conditions, ne pouvait que vous surprendre et vous blesser. Peut-être, depuis que j'ai vu vos tourments, aurais-je dû vous donner ces explications, mais j'avoue que je n'ai pas pu me résoudre à vous parler de mon amour au milieu de si tristes circonstances. Si je le fais aujourd'hui, c'est que vous forcez mon silence. Puisque vous me demandez un sacrifice, il faut bien que je vous explique pourquoi il m'est impossible. Je suis engagé envers monsieur votre père. Je ne puis abandonner l'alliance que nous avons conclue et manquer ainsi à l'espoir qu'il a mis en moi. Ce n'est pas tant ma cause que je défends que la sienne. » Ils étaient arrivés devant la maison. Emmanuel s'arrêta. Mais, après un moment d'hésitation, Charlotte ne répliqua pas, et passant devant lui, elle monta à la chambre de son père. Fin de la section 29.